À l'occasion du 5e anniversaire de la promotion du maréchal Kim Jong-un à la magistrature suprême de notre parti et de notre État, le journal London Simun du 11 avril a présenté un éditorial titré « Pour l'achèvement de l'œuvre révolutionnaire du Tse, plus étroitement unie autour du respecté dirigeant suprême Kim Jong-un ».